Premier livre de Samuel, chapitre 14. Or il arriva que Jonathan, fils de Saül, dit un jour au garçon qui portait ses armes, « Viens et passe envers le corps de garde des Philistins, qui est au-delà de ce lieu-là », mais il ne le déclara point à son père. Et Saül se tenait à l'extrémité du coteau sous un grenadier, à Migron, et le peuple qui était avec lui était d'environ 600 hommes. Et Aïja, fils d'Ahitub, frère d'Ikabo, fils de Phiné, fils d'Eli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod, et le peuple ne savait point que Jonathan s'en fût allé. Or entre les passages par lesquels Jonathan cherchait de passer jusqu'au corps de garde des Philistins, il y avait un rocher du côté de Dessa, et un autre rocher du côté de Dela, l'un avait nom Botsay, et l'autre Séné. L'un de ces rochers était situé du côté de l'Aquilon vis-à-vis de Micma, et l'autre, du côté du Midi vis-à-vis de Géba. Et Jonathan dit au garçon qui portait ses armes, « Viens, passons au corps de garde de ces incirconcis, peut-être que l'Éternel opérera pour nous, car on ne saurait empêcher l'Éternel de délivrer avec beaucoup ou avec peu de gens. » Et celui qui portait ses armes lui dit, « Fais tout ce que tu as au cœur, vas-y, voici je serai avec toi où tu voudras. » Et Jonathan lui dit, « Voici nous allons passer vers ces gens, et nous nous montrerons à eux. S'ils nous disent ainsi, attendez jusqu'à ce que nous soyons venus à vous, alors nous nous arrêterons à notre place, et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent ainsi, montez vers nous, alors nous monterons, car l'Éternel les aura livrés entre nos mains. Que cela nous soit pour signe. » Ils se montrèrent donc tous deux au corps de garde des Philistins, et les Philistins dirent, « Voilà, les Hébreux sortent des trous où ils s'étaient cachés. » Et ceux du corps de garde dirent à Jonathan, et à celui qui portait ses armes, « Montez vers nous, et nous vous montrerons quelque chose. » Et Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les a livrés entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en grimpant de ses mains et de ses pieds, avec celui qui portait ses armes, puis ceux du corps de garde tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes les tuait après lui. Et cette première défaite que fit Jonathan, et celui qui portait ses armes, fut d'environ 20 hommes, qui furent tués dans l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. Et il y eut un grand effroi au camp, à la campagne, et parmi tout le peuple, le corps de garde aussi, et ceux qui étaient allés ravager, furent effrayés, et le pays fut en trouble, tellement que ce fut comme une frayeur envoyée de Dieu. Et les sentinelles de Saül qui étaient à Guiba de Benjamin regardèrent, et voici, la multitude était en un si grand désordre, qu'elle se foulait en s'en allant. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Faites maintenant la revue, et voyez qui s'en est allé d'entre nous. » Ils firent donc la revue, et voici Jonathan n'y était point, ni celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Aïja, « Approche l'arche de Dieu, car l'arche de Dieu était en ce jour-là avec les enfants d'Israël. » Mais il arriva que pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte qui était au camp des Philistins s'augmentait de plus en plus, et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Et Saül et tout le peuple qui était avec lui, fut assemblé à grands cris, et ils vinrent jusqu'à la bataille, et voici, les Philistins avaient les épées tirées les uns contre les autres, et il y avait un fort grand effroi. Or les Philistins avaient avec eux des Hébreux comme ils avaient eu auparavant, qui étaient montés du pays d'alentour avec eux en leur camp, et qui se joignirent incontinent aux Israélites, qui étaient avec Saül et Jonathan. Et tous les Israélites qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, ayant appris que les Philistins s'enfuyaient, les poursuivirent aussi pour les combattre. Et ce jour-là l'Éternel délivra Israël, et ils allèrent en combattant jusqu'à Beth-Aven. Mais ceux d'Israël se trouvèrent fort fatigués en ce jour-là, et Saül avait fait faire au peuple ce serment, disant, « Maudit soit l'homme qui mangera de qu'une chose jusqu'au soir, afin que je me venge de mes ennemis, de sorte que tout le peuple ne goûta de qu'une chose. » Et tout le peuple du pays vint en une forêt, où il y avait du miel qui découlait sur le dessus d'un champ. Le peuple donc entra dans la forêt, et voici du miel qui découlait, et il n'y en eut aucun qui porta sa main à sa bouche, car le peuple avait peur du serment. Or Jonathan n'avait point entendu son père, lorsqu'il avait fait jurer le peuple, et il étendit le bout de la verge qu'il avait en sa main, et la trempa dans un rayon de miel, et il porta sa main à sa bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple prenant la parole, lui dit, « Ton père a fait expressément jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui mangera aujourd'hui aucune chose, quoique le peuple fût fort fatigué. » Et Jonathan dit, « Mon père a troublé le peuple du pays. Voyez, je vous prie, comment mes yeux sont éclaircis, pour avoir un peu goûté de ce miel, combien plus si le peuple avait aujourd'hui mangé abondamment de la dépouille de ses ennemis, qu'il a trouvé, car la défaite des Philistins n'en aurait-elle pas été plus grande ? » En ce jour-là donc ils frappèrent les Philistins depuis Micma jusqu'à Ajalon, et le peuple fut fort là. Puis il se jeta sur le butin, et ils prirent des brebis, des bœufs, et des veaux, et les égorgèrent sur la terre, et le peuple les mangeait avec le sang. Et on en fit rapport à Saül, en disant, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel, en mangeant, avec le sang, et il dit, « Vous avez péché, roulez aujourd'hui une grande pierre sur moi. » Et Saül dit, « Allez partout parmi le peuple, et dites-leur que chacun amène vers moi son bœuf, et chacun ses brebis, vous les égorgerez ici, vous les mangerez, et vous ne pécherez point contre l'Éternel, en mangeant avec le sang. » Et chacun du peuple amena cette nuit-là son bœuf à la main, et ils les égorgèrent là. Et Saül bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Puis Saül dit, « Descendons et poursuivons de nuit les Philistins, et les pillons jusqu'à ce que le matin soit venu, et n'en laissons pas un de reste. » Et ils dirent, « Fais tout ce qui te semble bon, mais le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici vers Dieu. » Alors Saül consulta Dieu, en disant, « Descendrai-je pour poursuivre les Philistins, les livreras-tu entre les mains d'Israël ?» Et il ne lui donna point de réponse en ce jour-là. Et Saül dit, « Toutes les tribus du peuple approchez-vous, et sachez, et voyez par qui ce péché est aujourd'hui arrivé, car l'Éternel qui délivre Israël est vivant, qu'encore que cela eût été fait par mon fils Jonathan, il en mourra certainement. » Et aucun de tout le peuple ne lui répondit rien. Puis il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et nous serons de l'autre côté moi et Jonathan mon fils. » Le peuple répondit à Saül, « Fais ce qui te semble bon. » Et Saül dit à l'Éternel le Dieu d'Israël, « Fais connaître celui qui est innocent. » Et Jonathan et Saül furent saisis, et le peuple échappa. Et Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils. » Et Jonathan fut saisi. Alors Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Et Jonathan lui déclara et dit, « Il est vrai que j'ai goûté avec le bout de ma verge que j'avais en ma main un peu de miel, me voici, je mourrai. » Et Saül dit, « Que Dieu me fasse ainsi, et ainsi ajoute, « Si tu ne meurs certainement, Jonathan. » Mais le peuple dit à Saül, « Jonathan qui a fait cette grande délivrance en Israël, mourrait-il ? À Dieu ne plaise, l'Éternel est vivant, si un seul des cheveux de sa tête tombe à terre, car il a aujourd'hui opéré avec Dieu. » Ainsi le peuple délivra Jonathan, et il ne mourut point. Puis Saül s'en retourna de la poursuite des Philistins, et les Philistins s'en allèrent en leur lieu. Saül donc prit possession du royaume d'Israël, et fit la guerre de tous côtés contre ses ennemis, contre Moab, et contre les enfants de Ammon, et contre Édom, et contre les rois de Tsoba, et contre les Philistins, partout où il se tournait, il mettait tout en trouble. Il assembla aussi une armée, et frappa Amalek, et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Or les fils de Saül étaient Jonathan, Jisui, et Malchisua, et quant au nom de ses deux filles, le nom de l'aînée était Merab, et le nom de la plus jeune, Michal. Et le nom de la femme de Saül était Ahinoam, fille d'Ahimaa, et le nom du chef de son armée était Abné, fils de Ner, oncle de Saül. Et qui père de Saül, et Ner père d'Abné était fils d'Abiel. Et il y eut une forte guerre contre les Philistins durant tout le temps de Saül, et aussitôt que Saül voyait quelque homme fort, et quelque homme vaillant, il le prenait auprès de lui.